samatha bhavana and vipassana bhavana. Samatha meditation and vipassana meditation. What is two different things? I just briefly explained. I didn't explain how to practice samatha meditation because we are practicing vipassana meditation. That's why we are more concerned about the practice of vipassana meditation. Even though we are concerned about the practice of vipassana meditation, the samatha meditation also should be practiced if we like. Hier, je vous ai expliqué très brièvement qu'il y avait deux méditations enseignées par le Bouddha, samatha bhavana et vipassana bhavana. Mais je ne vous ai pas expliqué comment pratiquer samatha, tout simplement parce que ici, nous sommes surtout préoccupés par vipassana. Nous sommes des méditants vipassana. Mais samatha peut cependant également être pratiqué. Vous pouvez par exemple le faire en récitant les qualités du Bouddha. C'est une pratique qui s'apparente à samatha. Vous pouvez également réciter les attributs du Dhamma ou encore les attributs de la Sangha. Tout cela, c'est samatha. Et vous pouvez le faire avant de pratiquer vipassana ou après. Et si vous le faites intensivement, vous pourrez atteindre les jhanas. Si vous pratiquez le souvenir des qualités du Bouddha, et qu'au moment où vous récitez ces qualités, les attributs du Bouddha, avec beaucoup d'attention, vous pourrez très facilement développer la concentration. Mais il ne suffit pas de réciter ces qualités sans être attentif. Il faut les réciter très attentivement et en pénétrer la compréhension. C'est comme si vous observiez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous ne devez pas le faire superficiellement, en répétant simplement les mots, il faut que vous le fassiez de façon pénétrante. Ici, c'est la même chose. Si donc vous récitez « Arahant, Arahant », qui est en fait la première des qualités du Bouddha, vous devez le faire très attentivement et essayer de comprendre en profondeur qu'il s'agit que le Bouddha est une personne qui s'est complètement débarrassée de toute forme de kilesa, d'impureté. C'est une personne qui atteint la perfection. Si vous réfléchissez ainsi à cette qualité, votre esprit va être affecté et il va devenir très pur et très concentré. C'est de cette façon que vous pouvez atteindre les jhanas. Vient ensuite la méditation sur l'amour bienveillant, metta bhavana. Cette méditation fait également partie de samatha. C'est l'un des 40 sujets de samatha. Il faudra donc également pratiquer metta bhavana. Le matin, vous le faites très brièvement, parce que dans ce centre, on insiste surtout sur vipassana. Nous irradions donc l'amour bienveillant tous les matins. Et ici également, il faudra le faire avec beaucoup d'attention. Il faudra également être attentif à l'une ou l'autre des postures. C'est également samatha. Vous devrez être attentif au moment où vous vous tenez debout, au moment où vous pratiquez la marche, au moment où vous êtes assis et au moment où vous êtes allongé. La pratique de samatha est beaucoup plus facile que la pratique de vipassana, parce que dans samatha, il n'y a qu'un seul objet. Si l'esprit se met à penser, par exemple, il ne faut pas le noter dans samatha. C'est donc très facile de pratiquer samatha. Dans vipassana, il faudra noter tout ce qui pénètre en soi par l'une ou l'autre des six portes sensorielles, par l'œil, par l'oreille, par le nez, par la bouche, par le corps et par l'esprit. Il y a donc beaucoup d'objets à observer dans Vipassana. Quel que soit l'objet qui pénètre en nous, il faut en être conscient, en prendre note. Mais au début, c'est très difficile, voire impossible. Les instructions du Bouddha nous demandent de noter tout ce qui pénètre en nous par l'une ou l'autre des 6 portes sensorielles. Dès que vous voyez quelque chose, vous devez noter voir. Dès que vous entendez un son, vous devez noter entendre. Dès que vous sentez une odeur, vous devez noter sentir. Dès que vous avez une saveur dans la bouche, vous devez noter goûter. Dès que vous avez un contact physique, vous devez noter toucher. Et dès que vous pensez, vous devez noter penser. C'est l'enseignement du Bouddha. Quand on pratique Vipassana et qu'on est au début de la retraite, il ne faut pas s'inquiéter si on n'est pas capable de noter tous ces objets. Nous devons tout simplement pratiquer de façon diligente, avec attention et ardeur. De cette façon, nous comprendrons les instructions du Bouddha. Au début, on n'est pas encore en mesure de tout noter. Il y a trop d'objets. Mais si nous pratiquons de façon attentive, énergiquement et avec diligence, tout naturellement, nous deviendrons progressivement capables de noter ces objets. C'est comme si nous étions à l'école. Au début, on commence par l'enseignement primaire. L'enfant n'est pas encore capable de lire les lettres. Mais progressivement, il va s'entraîner, il va passer à l'école secondaire et finalement à l'université. C'est la même chose dans Vipassana. On commence par le début, on essaye de comprendre les instructions. Ensuite, on se met à pratiquer conformément à ces instructions, sans s'inquiéter de tous ces objets. On essaye de se focaliser sur l'objet primaire uniquement. À force de se focaliser sur l'objet primaire uniquement, l'attention va devenir de plus en plus forte. Et lorsqu'elle sera devenue puissante, nous serons en mesure de noter tout ce qui se manifeste en nous à chaque instant. Au début, on demande aux méditants de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Son esprit n'est pas encore fort, la conscience attentive n'est pas encore développée. Il s'efforce donc de noter ces deux objets, soulèvement et abaissement de l'abdomen. Il fournit un gros effort physique et mental pour y arriver. Son esprit se renforce progressivement. Et petit à petit, lorsqu'il observe le mouvement de soulèvement, il constate, il ressent un mouvement vers le haut. Lorsqu'il observe le mouvement d'abaissement, il remarque un mouvement vers le bas. Ceci, c'est comprendre. Et il faut développer et entretenir cette compréhension en notant sans arrêt. L'esprit qui note va ainsi devenir puissant. L'attention va se renforcer. Lorsqu'elle sera devenue forte, le méditant ne sera pas uniquement en mesure de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il sera également capable de voir les états d'esprit. Par exemple, s'il réussit à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans interruption, il va se sentir heureux. Il est capable d'en prendre note. Si par contre il ne réussit pas à observer les mouvements de l'abdomen comme il le souhaiterait, il sera malheureux. Il est capable de le voir également. Il voit les états d'esprit. Parfois, il y aura de l'orgueil en lui, de la colère, de l'envie, de l'inquiétude. Tout cela, ce sont des états d'esprit et le méditant est capable de voir qu'ils se succèdent sans arrêt. Il sera également capable de voir, de ressentir toutes sortes de sensations physiques, surtout au début les sensations désagréables. Lorsque l'attention est devenue forte, le méditant est capable de tout noter et de gérer tout ce qui se manifeste en lui par les 6 portes sensorielles. Si on pratique Vipassana de façon assidue, on réussira à comprendre l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha a parlé des éléments, des agrégats, des bases, etc. Si vous pratiquez Vipassana, vous réussirez à expérimenter ces choses, même si vous ne le formulez pas. Mais il faut pour cela que vous pratiquiez de façon assidue. Vous avez souvent entendu parler des éléments, les dhatus. Patavidhatu, l'élément terre, Tejodhatu, l'élément feu, Vayodhatu, l'élément air, Apodhatu, l'élément eau. Et vous avez expérimenté ces choses dans votre propre corps au cours de votre pratique de Vipassana, même si vous ne le formulez pas. Le Bouddha a donc parlé des quatre éléments. Il y a quatre éléments, il n'y en a pas cinq. Vous allez, au cours de votre méditation, focaliser votre attention sur l'abdomen. Et tôt ou tard, vous ressentirez un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas. Vous ressentirez de l'expansion puis de la contraction. Si vous êtes très attentif, vous pourrez voir cela. C'est l'élément air. Et il n'y a pas que dans l'abdomen qu'on trouvera l'élément air. En fait, l'élément air se trouve partout dans le corps. Comment allons-nous faire pour le voir? Lorsque vous avez une sensation douloureuse, par exemple, vous commencez par noter patiemment « douleur, douleur » comme le demandent les instructions. Lorsque cette douleur va devenir très intense et qu'elle sera difficile à supporter, vous verrez apparaître dans votre esprit le désir de changer de posture. Vous allez alors peut-être changer de posture. Mais au moment où vous changez de posture, avez-vous noté « changer, changer » ou « bouger, bouger » Si vous n'avez pas noté, vous ne verrez pas le mouvement, alors qu'il est très visible. Par contre, si vous changez avec attention, en notant « bouger, bouger, changer, changer », vous expérimenterez l'élément air dans tout le corps. Vous expérimenterez le mouvement. Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et que votre posture est correcte, il est possible qu'après un certain temps, un chatouillement apparaisse quelque part sur votre corps. Vous notez alors chatouillement, chatouillement. Ce chatouillement va peut-être s'intensifier au point de faire naître dans votre esprit le désir de vous gratter. Vous allez alors bouger la main pour vous gratter. Est-ce que vous notez ce mouvement? Est-ce que vous notez bouger, bouger? Dans les Écritures, on demande aux méditants de noter bouger, bouger lorsqu'ils effectuent un mouvement. Si donc vous vous grattez avec attention, que vous bougez la main avec attention, vous expérimenterez le mouvement. C'est l'élément air. Vous comprendrez que sans l'élément air, il n'y a pas de mouvement. Lorsque vous prenez votre repas, vous devrez également le faire avec attention. On demande au méditant de noter tous les mouvements qu'il effectue au moment où il prend son repas, si petit soit-il. Mais c'est impossible de tout noter. Si vous n'arrivez pas à tout noter, vous pouvez essayez de noter au moins un objet. Notez le fait de mâcher. Cela dépend de l'attention du yogi. Si son attention n'est pas très développée, il va se limiter à un seul objet, le fait de mâcher. Si vous êtes attentif au moment où vous mangez, vous pourrez prendre conscience des mouvements de la langue, des mouvements des lèvres, des mouvements des mâchoires. Tous ces mouvements, c'est également l'élément air. Vous pourrez également expérimenter la dureté au niveau des dents. Vous expérimentez alors l'élément terre. C'est ainsi que vous pouvez expérimenter les éléments à l'intérieur de vous, tels que le Bouddha les a décrits. Lorsque votre attention sera devenue puissante, vous pourrez noter des objets très subtils. Il n'est pas possible que le professeur cite tous ces objets, il y en a trop. Mais sachez que si votre attention est développée, vous serez capable de voir tous ces objets, même les plus subtils, dans votre corps et dans votre esprit, et vous les verrez très clairement. Si vous notez de façon très attentive, il est même possible que vous soyez conscient du clignement des yeux. Vous n'allez pas étiqueter ce phénomène, mais vous en êtes conscient. C'est également l'élément air. Telle est donc la force de l'attention. Si vous pratiquez de façon assidue, vous expérimenterez les quatre éléments. Vous expérimenterez l'eau, la terre, le feu et l'air à l'intérieur de vous. Certains yogis ont mentionné à l'entretien certaines de leurs expériences, et ils ont expérimenté l'un ou l'autre de ces quatre éléments. Tout ceci dépend de l'attention. Vous ne devez pas rechercher ces éléments. Ils vont se manifester spontanément en vous lorsque votre attention sera devenue puissante. Mais souvenez-vous que tout cela dépend de l'attention. Ne recherchez rien. N'essayez pas de vérifier, de tester ces choses. Tout cela va se manifester spontanément lorsque l'attention sera devenue forte. Si nous voulons vraiment expérimenter ces choses à l'intérieur de nous, la seule façon de procéder, c'est de développer l'attention. L'attention doit devenir continue. Lorsqu'elle sera devenue continue, nous comprendrons clairement toutes ces choses. Parfois, le yogi, qui est très attentif, est capable de noter tous les objets qui se présentent aussi portes sensorielles. Il note par exemple entendre lorsqu'il entend un bruit, et il est même capable de voir si c'est par l'oreille gauche ou par l'oreille droite qu'il entend. Il est capable de le faire parce que son attention est très forte. Mais ne vous en faites pas si vous ne vous n'en êtes pas encore capable. Tout ceci va venir progressivement au fur et à mesure que l'attention se développe. Qu'est-ce que la sagesse? Le Bouddha nous dit, l'air, c'est rupa, la matière. Le fait de noter, c'est nama, l'esprit. Si au cours de votre méditation, vous ressentez de la douceur ou de la dureté quelque part dans le corps, c'est l'élémentaire qui se manifeste, c'est rupa, la matière. Et si vous notez, la prise de conscience, c'est nama, l'esprit. Vous détenez alors samadhiti, la compréhension juste. Mais si vous n'avez pas cette compréhension juste, si vous n'êtes pas capable de voir que l'esprit qui note est quelque chose de différent de l'objet qui est noté, qu'il y a une différence entre nama et rupa, vous n'avez pas la compréhension juste et vous continuerez à penser que c'est vous qui notez, que l'ego, l'esprit, existe réellement. Si vous pensez ainsi, vous n'avez pas la compréhension juste. Par la pratique de vipassana, le méditant devient capable de faire la différence entre l'esprit et la matière. Il voit que nama et rupa sont des entités différentes, séparées l'une de l'autre. C'est la compréhension juste. Par la pratique de vipassana, le méditant va donc comprendre qu'il y a les éléments en lui. Mais s'il ne pratique que samatha, il ne réussira pas à comprendre ces choses. Ce sont donc deux pratiques différentes. So that is enough for today. Tomorrow I will try to explain about the elements. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.